ma bonne humeur dépend souvent de ta touche, d'humour, ta bouche. C'est encore des choses que je savoure. Plus encore, ma vie sans toi est un cauchemar. Je me couche tard, je pense à toi chaque soir. La seule que j'ai pu aimer parmi toutes celles dans mon registre. Amour acquis, j'étais cocu. Preuve que la vie est injuste. À chacun de mes gestes, une preuve d'amour. À chacun de mes regards, preuve qui tiendra toujours. La note de gaieté dans mon blues, c'est toi. T'es tout pour moi. Même sans flou, si t'es dans la peau, t'es une partie de moi. Je te vois et t'entends partout. Mes sauces me disent parano. Ne savent pas que je vis tout cela par amour. J'aurais pu arriver à dire lève ton string dans l'air. Mais je suis trop vénère. Tu me l'as fait à l'envers. De chercher dans tous les endroits. Même si les femmes, c'est ma vie. T'es la seule qu'il me faut auprès de moi. Bébé, comme un prisonnier emprisonné. 95-200, je reste immatriculé. Dans moi du rêve comme pour mes potes au placard. Pour la... Je suis ton meilleur des lascars. Je repense à toutes tes phases, tes nombreuses phrases. Nos soirées en extase étaient as, des fonds de jazz. T'avais la classe bébé, comment t'oublier, tu le sais. Je pense à toi comme un prisonnier. Je vais pas te mentir sans toi, je suis comme une barque sans rame. Comme le pire des guerriers à qui on enlèverait son arme. Une larme coule quand je te crache que j'ai au fond du cœur. Je te jure ma douche, je recommencerai jamais les mêmes erreurs. Ma miss c'est ma rose, y'a que moi qui l'arrose. C'est quoi que je dise, quoi que je fasse, non, jamais elle s'oppose. C'est vrai que souvent on se prend la tête. Mais à chaque fois c'est pas méchant, on se réconcilie sous la couette. Quand t'as un bijou, faut pas laisser partir. La laisse pas partir. Sur la bougie, voilà l'obscurité. Et tu sais ma chérie que je me prends la tête. J'écoute les anges mais je renie Dieu et les cieux pour tes yeux. Te faire cet enfant et nous voir devenir vieux. Pour toi je ferai tout exploser. Comme si t'étais une Montaigu et moi un négro capable. Comme un toc sans manque, tu hantes mes rêves. Moi accro, tu ne rates jamais de la vie. Disais, je tomberais pas dans le piège. Mais aujourd'hui, plus rien n'est pareil. Avec elle, je suis à l'aise. Plus d'histoire de pèse, de cesse. Y'a comme un vide sans toi. Je me réveille, t'es plus là, seul dans ce grand lit froid. Les yeux à peine ouverts, tu manques déjà. Je les referme et revois nos ébats de cette nuit. Et le futur encore plus chaud qu'on aura. Quand t'as un bijou, faut pas laisser partir. La laisse pas partir. Rencontrer tous les membres du gang Chaud Lapin, et des beaux membres, Dieu sait s'il y en a, ça va faire chaud. Mais, attention, la présélection des filles, c'est pour ma gueule. C'est moi qui choisis, tout passe par moi ou sous moi. Va savoir.